Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. La crise politique traverse le Burundi explique son classement à la 53e place sur les 54 pays africains ayant fait objet d'un rapport publié par des experts internationaux début 2007 et c'était sur les économies et la bonne gouvernance en 2016. La Banque de la République du Burundi est en train d'élaborer une nouvelle réglementation du transfert d'argent par téléphonie mobile et rassure qu'il n'y aura pas d'interférence avec les activités classiques des banques. Les explications, c'est dans ce journal. Et les élèves du lycée technique Kamembe en commune Rutovu sont en grève depuis hier pour réclamer des ordinateurs. Nous appellerons notre correspondant à Bururi. Et dans le reportage du jour, nous irons en commune Bugendana de la province de Gitega où des chenilles ravagent l'eucalyptus alors que les produits pour la pulvérisation ne sont pas disponibles pour le moment. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage, lui, a trouvé un moyen simple. Il faut les tuer à la main dès leur apparition. Et la chronique santé de ce mardi est centrée sur la fistule obstétricale. Ce sera avec Deogracias Nukamazina. Il est médecin gynécologue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir, le Burundi a été classé 53e sur 54 pays africains dans un rapport publié au début de cette année en ce qui concerne l'économie et la bonne gouvernance de l'année 2016. Les auteurs de ce document, que sont les experts des organismes internationaux, expliquent en partie cette situation par la crise politique que traverse ce pays. Pour le président de l'organisation locale Parsem, les dirigeants devraient s'impliquer davantage dans la stabilisation du pays afin de bénéficier des appuis de la part des partenaires étrangers. Le point avec Alain Désiré Boukayenet. Au terme de ce rapport du début 2017 sur les 54 pays africains, les experts des organismes internationaux, dont la Banque mondiale, classent le Burundi à la 53e place avant le Sud-Soudan en ce qui concerne le produit intérieur brut en 2016. Sur le plan de l'économie et bonne gouvernance, le Burundi est parmi les 5 derniers à côté de l'Érythrée, Centrafrique, Somalie et Sud-Soudan. Et pour cause, le président de la Parsem soulève l'arrêt de certains projets de développement ainsi que la crise politique. Vous comprenez alors la liaison, le point commun de ces 5 pays. Ce sont des pays en crise politique grave. Pour dire qu'un pays en crise politique, c'est un pays vraiment qui se fait plonger lui-même dans l'abîme. Avoir l'état de la pauvreté. En 1992, le nombre de pauvres au Burundi était évalué à 30%. Mais en 2017, c'est à 70%. Comment est-ce que les pauvres accèdent au marché des biens et services, au marché financier et monétaire, alors qu'ils en sont exclus? On doit dire que le gouvernement devrait démontrer qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à cette pauvreté. Selon Faustin Dikumana, la place fondamentale revient aux institutions du pays pour renormaliser le climat politique afin d'attirer les partenaires. La proposition se trouve dans les trois axes principaux. L'arrêt de la crise politique, renouer les relations avec tous les partenaires économiques et financiers. Deuxièmement, renforcer les institutions centrées sur la lutte contre la corruption et l'impunité. Parce que même si l'argent venait, l'état de la corruption, l'impunité et la faiblesse institutionnelle n'ont permettent pas au pays à décoller. Troisième, il faut avoir une vision de développement. On est ici, on veut aller où ? Vers une stratégie, une dynamique de stratégie évaluable. Sans cela, on va directement dans l'abîme. Il y a la place fondamentale des institutions de l'État dans la stabilisation et dans la lutte contre la pauvreté. Au niveau de la communauté est-africaine, ce rapport place l'Ouganda à la 15e position, le Rwanda à la 16e, Tanzanie la 10e et le Kenya à la 7e position pour ce qui est du produit intérieur brut au cours de l'année 2016. Alain Désiré Boukayenèze. Le gouvernement du Burundi se dit prêt à affronter les défis liés au changement climatique observés avec les phénomènes El Niño et La Nina qui ont affecté la saison culturelle. Le ministre burundais de la Sécurité, Alain Guillaume Bougnoni, Le dit au moment où ce mercredi 1er mars, c'est une journée mondiale dédiée à la protection civile. Avec le thème de l'année qui dit, je cite, « Ensemble pour la protection civile contre les catastrophes », fin de citation, le ministre Bougnoni appelle tout un chacun à apporter sa contribution dans la protection de l'environnement. Les objectifs principaux pour cette journée sont ceux visant à défendre les intérêts de la population civile et la protéger contre les catastrophes, ainsi que développer et appliquer les qualités d'unité et de solidarité pour relever ensemble les défis croissants du siècle en cours. Suivez le ministre Alain-Guillaume Bougnoni. Nous célébrons cette journée au moment où notre pays continue à subir les conséquences et les effets des phénomènes El Niño caractérisés par un excès de pluviométrie et la Nina suivie d'un déficit hydrique qui entraîne l'insécurité alimentaire. Pour y faire face, le gouvernement de la République du Burundi, appuyé par ses partenaires, assiste les victimes et continue à suivre l'évolution de la situation, des effets du phénomène de la Nina qui a affecté la saison culturelle. En plus, le gouvernement a mobilisé la population à la solidarité nationale en faveur des communautés les plus affectées. En outre, le gouvernement, à travers ses structures de prévention des risques de catastrophes et de gestion des catastrophes, mène des activités d'information et de sensibilisation des populations à l'adaptation au changement climatique. Ensemble pour la protection civile contre les catastrophes, chacun est interpellé à mener des activités visant la réduction des vulnérabilités par la prévention des risques et la protection de l'environnement. À cette occasion, je tiens à remercier sincèrement le personnel de la protection civile pour leur unité et solidarité, ainsi que pour leur courage et disponibilité pour assurer la sécurité de la population contre les catastrophes. Je profite de cette opportunité pour remercier aussi tous les acteurs qui ne cessent d'appuyer les actions de la protection civile en matière de gestion des urgences. Le gouvernement du Burundi ne ménagera aucun effort pour atteindre les objectifs de l'Organisation internationale de la protection civile à travers le renforcement des capacités des structures de la protection civile et la promotion du partenariat des secteurs publics et privés dans le domaine de la gestion des catastrophes. Le ministre Alain-Guillaume Bougnoni. Une réglementation du transfert d'argent par téléphonie mobile est en cours d'élaboration par la Banque de la République du Burundi. Ce projet prévoit la création des entités autonomes au sein des compagnies de téléphonie mobile pour exploiter spécifiquement ce service. Cela a été annoncé par le chargé des opérations à la Banque de la République du Burundi lors d'un atelier avec les différents intervenants dans ce genre de transfert. Prosper Ngenanganya explique qu'il n'y aura pas d'interférence avec les activités classiques des banques. Suivez-le. Et au Burundi, donc, ces services sont plus ou moins répandus. Pour information, quasiment, donc, ces services n'avaient pas donc, de cadre légal réglementaire qui les régissait donc, jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous étions conscients donc, de cette faille, mais la Banque centrale a pris l'option d'encourager les bonnes initiatives des différents opérateurs, surtout que cela donc entrait dans le cadre de la stratégie nationale de développement du secteur financier et que cela était susceptible d'accroître l'accès aux services financiers, surtout pour la population rurale à revenus modestes. Déjà, pour information, nous pouvons évoquer les produits développés par les télécoms, comme EcoCash pour Econet Léo, Lumicash pour Lumitel. Comme mentionné, les sociétés donc Lumitel et Econet Léo vont avoir l'obligation de créer donc des entités autonomes pour exploiter donc ces services financiers numériques, donc leurs produits EcoCash et Lumicash, mais également donc les banques ou bien les microfinances qui exploitaient déjà donc ces services financiers numériques, le mobile banking, ils vont continuer à coopérer avec les télécoms, avec Smart, Lumitel et Econet. Donc quasiment donc il y aura pas d'interférence, ça sera plutôt donc des services, un cadre donc dans lequel ils pourront offrir d'autres services et continuer donc à opérer comme ils le faisaient avant. Et dans la suite de ce journal, plus de 60 employés de la compagnie de gardiennage KK Security disent avoir été licenciés abusivement après avoir signé en même temps un congé annuel et un préavis de fin de contrat. Ces employés estiment que les articles 41 et 55 du Code du travail ont été violés par l'employeur. Ils demandent que la loi soit respectée pour que quiconque ne soit lésé. Suivez l'un d'entre eux. Nous devrions normalement signer notre congé annuel qui est garanti pour tout employé qui a déjà totalisé une année d'ancienneté de travail. Après la signature du congé annuel, l'administration nous a obligés de signer en même temps le préavis de licenciement de notre contrat de travail. Mais nous avons essayé de demander le pourquoi ils veulent que nous signions en même temps notre congé annuel qui est garanti par la loi et pourquoi aussi nous devons signer le préavis de licenciement aussi en même temps, mais ils n'ont pas pu nous convaincre sur cela. Nous allons consulter la loi pour avoir plus d'éclaircissement. Et après avoir interrogé la loi, nous avons trouvé que ça a été fait en violation de la loi et surtout dans les articles 41 son alinéa 7 qui dit que pour qu'il y ait résiliation du contrat, il doit y avoir d'abord la suspension du contrat si c'est pour des raisons économiques dont l'administration avait invoqué pour justifier la résiliation de notre contrat. On ne devrait pas signer normalement le préavis parce que l'article 55 du Code du travail interdit ça. Mais l'administration de la société KK Security n'a pas hésité à nous forcer à signer ce préavis-là. Et nous voulons qu'il y ait donc le respect de la loi pour que personne ne soit lésé dans ses droits. Sachez que malheureusement, nous n'avons pas pu recueillir la réaction du directeur de cette société qui n'a pas voulu s'exprimer sur notre micro. Captez Isanganilo, écoutez la différence. La commission Vérité et Réconciliation demande à ceux qui détiennent des informations sur les événements tragiques qui ont endeuillé le Burundi de ne pas avoir peur de témoigner. C'est l'appel lancé ce lundi à Mwaro par la secrétaire générale de la CVR. C'était lors du lancement de la fouille des fosses communes où ont été jetés les corps des personnes assassinées dans les parages et des bureaux de la zone Makamba en commune Rusaka. Cela étant, certains des membres des familles de Mwaro qui ne savent pas la trace de leurs ni leurs biens demandent réparation. Correspondance de notre envoyé spécial, Évariste Nzikobanyanga. Certains des habitants de Mwaro indiquent qu'ils n'espèrent pas retrouver les leurs sans trace il y a plus de 40 ans. Cependant, à part la vérité sur ce qui s'est passé qu'ils attendent, ces derniers demandent la restitution des biens des disparus qui ont été spoliés. Naïmana Capitoline, de la colline Nyamiyaga, en zone Rusaka, réclame une propriété de son feu-père disparu en 1972. Cette victime indique que la propriété de son père a été spoliée juste après sa disparition. Elle demande que cette propriété leur soit restituée. La secrétaire générale de la CVR explique que la loi régissant cette commission prévoit la réparation. Clotilde Niragira explique comment les familles victimes seront indemnisées. Parmi les programmes que la commission Vérité à conciliation est appelée à établir, il y a le programme de réparation justement, tout comme il y aura un programme de réconciliation. De tous ces programmes-là, notamment le programme de réparation. Nous allons soit procéder aux réparations immédiates par rapport aux dommages causés à la victime. Nous allons procéder aux réparations soit immédiates, soit des réparations à long terme. La commission Vérité Réconciliation demande aux détenteurs des informations sur les événements tragiques qui ont endeuillé le pays de se préparer à témoigner pour que la vérité soit connue au grand jour. La secrétaire générale de la CVR demande à ses détenteurs d'informations de ne pas avoir peur. Nous demandons toujours à la population, particulièrement les victimes, de ne pas avoir peur, de parler, d'oser parler. C'est ce qui va sauver le peuple. Et nous demandons particulièrement les témoins, ceux qui ont vécu les événements, ceux qui ont vu, de nous dire comment ça a été organisé, comment tout cela a été. Encore que nous sommes en train également de rechercher même, de voir des recherches documentaires pour nous fixer sur les grands événements qui ont endeuillé notre pays. À la deuxième journée, des travaux de fouilles, des ossements humains se sont poursuivis à Wiklo, sur la colline Gasenyi, derrière les bureaux de la zone Makamba, en commune Rusaka. Depuis Mwaro, Evariste Nzikobanyanga, Radio Isanganiro. De Mwaro, nous nous rendons à Bururi, où les élèves du lycée technique de Kamembe en commune Rutovu sont en grève depuis hier pour réclamer des ordinateurs. Pour le directeur provincial de l'enseignement à Bururi, Firmin Wuchumi, cette réclamation pouvait se faire sans interruption des enseignements. Jean-Pierre Misako. Selon des sources sur place à Gikanagwa, Mabouye, où est érigée cette école, les 159 élèves que compte cet établissement scolaire se rassemblent sur la cour sans entrer en classe depuis ce lundi. Ces élèves réclament les ordinateurs indispensables dans leur section informatique de gestion. Jean Daitwayeko, administrateur communal de Rutovu et Firmé Buchumi, directeur provincial de l'enseignement à Bururi, reconnaissent ce manque d'ordinateurs à cette école technique. Cependant, Firmé Buchumi trouve qu'il serait mieux que ses élèves continuent les enseignements en attendant la solution à cette revendication. Pour lui, les parents d'élèves, la direction, la commune Rutovu et les natifs de cette commune ensemble peuvent répondre à ce problème. Alors que l'administration communale et les responsables scolaires placent seulement le manque d'ordinateurs à l'origine de cette grève, d'autres sources sur place ajoutent le renvoi d'un élève jugé illégal par les élèves et la perception des frais scolaires dont la destination reste jusqu'ici inconnue. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Et 20 prostituées, 30 Rwandais sans papier ont été arrêtées ce mardi par la police de Mabayi dans la province de Cibitoke. Les responsables de la sécurité disent que cela rentre dans le travail de routine. Ils indiquent que ces filles prostituées vont être envoyées chez elles et l'administration va dresser une liste d'identification de ces Rwandais afin de prendre d'autres mesures. Ce travail n'a pas été bien vu par la population qui a accusé la police de deux poids, deux mesures car ayant libéré certaines personnes. À la source, reportage. Il s'observe des chenilles qui ravagent l'eucalyptus dans la commune Wougen dans la province de Gitega. Les cultivateurs se lamentent que si rien n'est fait, ces arbres pourront disparaître. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage appelle les habitants à se fier aux moyens simples en détruisant ces chenilles par la main dès leur première apparition. Sinon, les produits de pulvérisation ne sont pas disponibles en suffisance pour le moment. Il précise par ailleurs que ce ne sont pas que les eucalyptus qui sont menacés. Reportage de Léonce Vitalio. Ces chenilles qui font parler d'elles dans Bougendana viennent de passer au moins une année selon des habitants rencontrés. Les arbres attaqués ne grandissent plus, il y en a même qui s'assèchent et ça fait peur aux cultivateurs. Ce sont des chenilles blanches, très minces. Tout arbre est touché, même s'il est grand, il se rétrécit. Ça nous fait peur, ça fait mal. On voit des trucs blancs sur nos eucalyptus qui versent un liquide par terre. L'arbre ne grandit plus, plutôt ça se sèche. Elles attaquent les feuilles d'arbres et ceux-ci se contaminent les uns les autres. Qu'il se serait déjà entretenu à ce sujet avec les responsables de l'agriculture. Ses habitants disent que non, mais estiment en tout cas que la maladie est connue. Ils ne sont pas encore venus, probablement qu'ils pourraient nous donner des produits de pulvérisation. De toutes les façons, comme si on est au courant que ces chenilles sont partout, ils le savent et nous attendons ce qu'ils feront pour nous. Ce que demandent les agriculteurs de Bougendana, c'est que les responsables concernés agissent au plus vite en leur octroyant des produits de pulvérisation. Sinon, il y a le risque que d'autres cultures soient affectées. Nous demanderions des produits de pulvérisation contre ces chenilles. Sinon, d'autres plantes peuvent même être attaquées, ce qui serait une grande perte pour nous. Qu'on nous vienne au secours avec ces produits, mais aussi on peut nous donner d'autres plans. Victor Rurakengereza, c'est le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Gitega. Même si les habitants de Bougendana parlaient seulement de l'eucalyptus, lui, il indique que même d'autres champs ont été touchés. Ce sont notamment des champs de maïs, de pommes de terre et de patates douces. Sinon, ces chenilles sont bien connues. Ce ne sont pas les eucalyptus. Tout court, nous avons aussi des champs de maïs et des champs de pommes de terre qui ont été ravagés au même titre que les eucalyptus. Ça, c'est connu. Les produits de pulvérisation ne sont pas disponibles en suffisance en ces jours. Victor Rakengereza appelle les gens à surveiller ces chenilles dans leurs champs et les détruire avant qu'elles ne se multiplient et à l'aide de la main. Il faut suivre de près son champ comme son enfant. Nous mobilisons les gens effectivement à acheter ces produits, mais actuellement j'ai des informations effectivement que ces produits ne sont pas disponibles en suffisance, mais confirmer que le marché, les démarches effectivement pour l'acquisition de ces produits sont en cours. Je mobilise les gens de surveiller d'abord les champs. Je leur conseille effectivement d'utiliser effectivement les moyens les plus simples, la surveillance et détruire avec les mains effectivement ces chenilles. Et c'est possible, c'est faisable. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage, Aguitega, n'a pas encore reçu de rapport qui montre clairement les communes touchées par ces chenilles. Mais en attendant, les cultivateurs se préparent activement pour la saison culturelle B. Radio Isanganiro Chronique. Je vous l'avais annoncé, la chronique santé ce mardi est consacrée à la fistule obstétricale qui résulte généralement d'un travail prolongé et difficile chez les femmes qui accouchent. Le gynécologue Deo Gracias Nukamazina précise que la fistule crée une anomalie entraînant par la suite une perte involontaire d'urine. Cette incontinence est stoppée lorsque la fistule est réparée. Il l'a dit à Francine Diokogayo. La fistule obstétricale est l'une des maladies gynécologiques qui affectent les femmes qui accouchent. Elle survient à la suite d'une grossesse compliquée et provoque une situation anormale, selon le gynécologue Deo Gracias Nukamazina. C'est une communication anormale ou pathologique qui survient entre la vessie et les organes génitaux de la femme, ou la communication anormale entre le rectum et les voies génitales de la femme. Pour une situation telle ou telle, et la conséquence est que les urines vont passer par voie génitale et les matières aussi ou les selles passent par les voies génitales. Le docteur Nukamazina développe les principales causes de la fistule dont l'accouchement long et difficile en est la principale. Globalement ici chez nous dans nos pays où les structures de soins ne sont pas très avancées ou bien équipées même matériellement même du point de vue humain, c'est lié surtout à un accouchement long et difficile. Il y a le blocage de la tête fœtale dans les voies génitales au cours de l'accouchement et puis ça passe des heures et des heures et à ce moment-là il y a une compression de la vessie par la tête fœtale ou bien le rectum aussi, il y a ces comprimés qui pensent que cette zone comprimée, ça va créer une nécrose à la fin et il y aura un trou anormal ou bien une pathologie à la fin ou après, donc l'extraction du bébé. C'est donc dans ce passage même qui est créé où va passer les urines ou les matières fécales et ça va se rencontrer dans les voies génitales surtout basses. L'incontinence permanente reste la caractéristique générale d'une fistule obstétricale. Le maître symptôme, c'est surtout l'écoulement des urines. Ce trou qui s'est créé, bien cette communication anormale qui s'est créée entre la vessie et les organes génitaux externes de la femme, surtout le vagin, il y a les urines qui vont passer au niveau vaginal et qui vont donc s'extérioriser chaque fois. La femme n'aura plus envie d'aller faire donc ses petits besoins. C'est que les urines passent par une voie anormale et elles vont sortir. Ou bien même les matières fécales, si le rectum aussi s'est troué au cours de cet accouchement compliqué, il y a les matières fécales qui passent par voie génitale. Le gynécologue Nukamazina fait savoir que les filles qui se marient avant l'âge et les femmes ayant eu plusieurs grossesses sont parmi les personnes à risque. Il y a plusieurs catégories. Comme je disais, ce sont ces femmes qui ont un accouchement difficile et compliqué, qui traînent à la maison, en attendant qu'elle va accoucher à la maison, que ce n'est pas possible qu'il y ait un problème au niveau des voies génitales où le bébé ne peut pas passer. Il y a ces filles qui se marient très tôt, où le bassin est encore immature. Il y a aussi même les femmes qui ont beaucoup d'enfants ou qui ont fait beaucoup de grossesses. L'utérus est trop distendu. Donc, il y a toujours des complications au cours de l'accouchement. Le bébé se présente dans différentes positions. La fistule peut provoquer, dans la plupart des cas, la mort du bébé et de la mère, et conduit aussi souvent à l'isolement social des femmes atteintes. Pour la réparer, les médecins font recours à l'opération. Nous vous en parlerons dans notre prochaine chronique santé. Merci Francine, merci Docteur Deo, Nukamazina. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouayo pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco, Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.